Yeah. Quel genre de client monstrueux t'as filé à tout pareil? Et la satano des maniaques. T'en as trop pris, trop pris. Quel genre de client monstrueux t'as filé un truc pareil? Et la satano des maniaques. Je crois qu'il n'y a qu'une origine pour un truc pareil, c'est la glande médulo-surrénale provenant d'une opération sur un humain encore vieux. Hein, je sais. Le gars n'avait pas le cash pour me payer. Ah, il m'a proposé du sang humain, il a dit que ce serait la plus grande défense de ma vie.